sur son trône, regarde ça, le petit jeu de Playmobil qui voudrait voir Immobile. Immobile, c'est plus leur guerre au fusil, ni à l'épée, ni à la hache. C'est devenu désormais nucléaire, bactériologique et chimique, et ainsi psychologique. L'état de film reproduit qu'ils veulent des zombies obéissants et qui enfin. Bref, t'as compris que si tu ne cries pas ton bonheur, tu vivras dans la peur de l'autre. De l'autre pour oublier, pour un peu de vivre, tout simplement, et que tu peux aimer l'autre. Tout simplement, sans pour autant. Autant mourir d'aimer, aime, aime, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, aime, aime, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Je crois que je peux faire changer les gens, du moins leur faire croire que c'est possible. Comme tu sais, c'est après 25 ans, même avant, si on n'a pas changé de point de vue, on ne changera jamais. Et la preuve que l'exception c'est moi, même si j'ai le pouvoir de courber le pas, la pensée du non-croyant. Je pense désormais plier à mon gré l'espace et le temps. Je pense changer, devenir une autre. Alors je pense faire ce que tu n'as pas fait, partir vers un autre avenir. Ne pas oublier, mais changer de confort, réinventer ma vie pour avoir l'impression d'exister. Comment changer ces démons, chasser ces démons dans la même vallée? Il faut aller de l'autre côté de l'horizon, apprendre à vivre de cette terre, ne plus compter sur le monde, retrouver l'essentiel. L'amour est l'amour de l'être qui se soucie de toi. L'amour de l'être qui se soucie de toi. Retour, retourner, retourner, retrouver l'essentiel. Thank you. on a vécu tout ce qu'on s'est aimé. Oh, je cherche à effacer mon souvenir du passé. Une fois que je n'existerai plus, j'espère ne plus jamais revenir. Sous nos pieds. famille, entre voisins. Il n'y a que des conflits avec les administrations, avec les politiciens, et que des conflits entre automobilistes, entre toi et les flics. Et que des conflits entre appareils sur la télé, même sur l'heure qu'il est. Aimer l'autre, surtout qu'il est con et moche. Il n'y a plus de raison à aimer l'autre, surtout qu'il est con et moche. Ça y est, ça m'a chopé. Plus rien à espérer, plus d'espoir, plus de raison de respirer, plus de raison de respirer. Mais l'enfer me ment, mais l'enfer nous ment, et l'enfer nous ment. Mais l'enfer nous ment. Là, je retrouve mes amis, l'écureuil, le hibou, le lapin et la pluie. De nos jours, la vie c'est de la merde. De nos jours, le goût de vivre est un luxe. De nos jours, plus rien ne dure. Les hommes